Je reviens au bord de votre lit, la tête dans les mains, madame. Je reviens au soir de votre vie, des larmes plein les mains, madame. Je reviens. Madame, je reviens et je n'ai pas de fleurs. J'ai perdu en chemin votre goût du bonheur. Madame, je reviens, heureux en quelque sorte, de frapper à ta porte, de me sentir meilleur. Madame, je reviens sans demander pardon. Je n'en ai pas besoin, madame. Je reviens pour oublier mon nom et vivre auprès du tien, madame. Je reviens. Madame, je reviens, je resterai dans l'ombre, au coin le plus sombre que tu voudras donner. Madame, je reviens. Je reviens au bord de votre lit, la tête dans les mains, madame. Je reviens au soir de votre vie,